France Impro, ça donne chaud. Bonjour à tous, en effet, c'est France Impro qui commence à 10h, une peut-être, ce matin. Et c'est avec une chanteuse qu'on va faire cette émission. Je vais vous parler, puis on va écouter beaucoup de musique. Elle vient de loin, elle vient du nord de la Sibérie, en fait, d'une province autonome du nord de la Mongolie. Elle a mélangé des influences classiques, des musiques traditionnelles, des musiques chamaniques de ses contrées, du jazz. Elle habite en Europe maintenant. Elle s'appelle Sainko Namchilak. Et voilà, on va passer une heure avec elle. Elle a fait de nombreux projets pour le cinéma, pour la musique évidemment. Lors de concerts, elle mélange l'improvisation et les compositions et les musiques de trance également. Et elle a bossé pour le théâtre aussi. Et voilà, on va se laisser porter. On va probablement être surpris un peu également. Voilà, on écoute, on en parle ensuite. Ouh. Ouh. Voilà, c'est un morceau qui s'appelait The Virgin's Clearing. Donc, Sainko Namchila qui est né en 57 dans un petit village de l'oblast autonome de Touva, c'est dans la Fédération de Russie. Et ça se situe au nord de la Mongolie. En fait, elle a appris la musique et le chant toute petite à l'école du village et ensuite à Moscou. Et après, bah, elle a mélangé tout ce qui est musique classique, des influences russes évidemment. Et puis le jazz et les chants diphoniques mongols qui accompagnent les pratiques évidemment chamaniques. Elle a transporté tout ça dans le monde entier. Elle a joué avec énormément de gens. On verra plus tard. Moi, j'ai découvert il y a quelques années avec le Moscou Composer Orchestra. On écoutera un morceau à la fin de l'émission aussi. Elle a des influences évidemment mongoles, mais en fait, la province de Touva était chinoise pendant longtemps, depuis la dynastie Yuan de Kublai Khan. Et en fait, ça a apporté dans cette zone-là des influences qui étaient des influences chinoises, des influences turques, énormément d'influences de personnes qui étaient en voyage. Et donc, ça fait sa richesse musicale, sa richesse culturelle. Et évidemment, avec les pratiques chamaniques de ces endroits, elle en fait une approche vraiment personnelle et étrange du chant, où elle mélange finalement des sons, de la forêt, des créatures oniriques ou imaginaires, le bruit du vent, des oiseaux évidemment, de l'hyperventilation. Voilà, c'est une chanteuse vraiment atypique et ayant bossé aussi avec des musiciens classiques, comme on va le voir juste après, ça lui fait une palette vraiment riche et moi qui m'a séduit tout de suite et qu'elle explore et qu'elle développe totalement dans ses coopérations avec soit les musiciens classiques, les musiciens de jazz et les musiciens de l'improvisation évidemment. Alors on écoute un album là qui est un album en trio qui s'appelle Némenos qui a été enregistré dans les années 80 si je ne me trompe. Voyons que je retrouve ça en 88 je crois. Voilà, et c'est en trio avec d'autres personnes qui sont Shirley Hirsch, Catherine Bott, qui est une chanteuse soprano classique. Shirley Hirsch, elle fait des voix, elle fait du chant également. Avec Nina Danino, qui est une chanteuse qui fait des voix parlées. Et avec Pavlo Beznusiok, qui fait de la vielle. Donc, on va écouter un autre morceau là, qui s'appelle The Virgin Hello. Où ils sont en trio là. À tout de suite. It seems clear to me now, as it was then. Hey! Little by little, this impression faded away. I think I would have forgotten it completely. Voilà, je vous disais une bêtise, le disque Temenos a été enregistré en 2000, en fait, avec les deux chanteuses Shirley Hirsch et Catherine Bott, et puis un musicien à la vielle qui s'appelle Pavlo Beznosiuk. Voilà, on va enchaîner avec une autre plage de ce même disque, et ensuite on passera à autre chose. Melanie said that she returned to the site. She said that she returned to look around, but that now she could see nothing unusual. As she approached the site, she said she saw in the distance a woman dressed in black. Later she found out that none of the women had been on the mountain that day, and this led her to conclude that she had seen no ordinary person, but someone from another world, perhaps her deceased mother. Oh. What age does she have? She replied. But monsieur, she has no age. We called this place the place where the flowers were. We went there, but she was not there. She replied, "Ah, yes, nothing but her image." Her complexion was white. Do you remember the features? The whiteness of dawn, yes, in detail. White and rose. I do not remember. She does not remember. Where does she put her feet? On the moss, monsieur. And where do you see her? At the place where there is a rose bush and brambles. Blue. Mm. Bonsoir. Bonsoir. What time is it? Thank you. Voilà, c'était quelques extraits de l'album Temenos, enregistré en 2000, avec la chanteuse Catherine Booth qu'on entendait dans ce dernier morceau, et avec Shirley Hirsch également, et avec Pavlo Benyassouk qui joue de la vielle. Voilà, on a passé un moment, je trouve, avec beaucoup de fraîcheur et avec les esprits de la forêt probablement, et des montagnes du nord de la Mongolie. On va changer d'ambiance, puisque c'est quelques morceaux enregistrés entre 92 et 95 avec un saxophoniste qui joue également de la clarinette basse. Donc c'est quelques morceaux en duo que j'ai sélectionnés là et que je vais partager avec vous. Voilà. J'espère que vous passez une bonne matinée. On enchaîne à tout de suite. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Voilà, exactement, c'est France Impro ce matin. On est sur Éphémère 89.1. Il est un peu plus de 10h30 et donc on est en compagnie de Sainko Namchilak, une chanteuse du nord de la Mongolie, d'une fédération de Russie, de Touva. Et voilà, on écoute quelques extraits de sa carrière. Elle a enregistré près de 30 albums avec beaucoup de gens dans le monde, notamment le Moscou Composer Orchestra, mais pas que. Elle a enregistré chez Léo Records, par exemple. Elle a enregistré chez Harmonia Mundi aussi. Voilà. Là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle First Dance, qui est enregistré donc avec un saxophoniste, Ted Botenberg. Je vous propose d'écouter un deuxième morceau. Donc là, le premier, c'est un morceau enregistré à Berlin en 94. Et maintenant, on va écouter un deuxième morceau qui est enregistré à Toronto en 93. Voilà. Et les esprits sont jamais loin, en effet, avec Sainko. Rituel. Se préparer à improviser, se préparer à rejoindre ses propres nécessités, chercher le balancement entre un corps prêt à accueillir toutes les nuances et la fulgurance de l'esprit, à capter toutes les variations du réel, chercher l'énergie pour faire

Voilà, on enchaîne avec un morceau issu des musiques traditionnelles sibériennes. Hey. Voilà, c'était un morceau issu des traditions Saami, des peuples et religions saamites du nord de la Sibérie, et également de la Scandinavie. Voilà. Alors c'était donc un morceau également en duo avec le saxophoniste Ted Botenberg. On va changer de nouveau puisqu'on va écouter un extrait cette fois d'un album qui s'appelle Nomade. Et on en parle après. Ooh. Voilà, c'est un extrait d'un morceau, c'était un morceau qui s'appelle Spring, l'hiver, de l'album Nomade, avec plusieurs musiciens, et puis ensuite une partie solo qui s'appelait Red Orange. On va poursuivre avec un duo avec un bassiste, Peter Kowald. Voilà. Voilà, je voudrais maintenant, il nous reste 5 minutes, partager avec vous l'agenda des concerts et des manifestations autour des musiques improvisées, des musiques expérimentales. On va commencer tout de suite, donc c'est l'agenda du sonophage, et on commence tout de suite, il y avait un spectacle qui a eu lieu hier soir, et la dernière est ce soir, qui s'appelle Le Grand Mu. C'est un spectacle tout public qui est fait de musique, de cirque, de cabaret absurde, lyrique. Le contact, c'est la chanteuse Hélène Sage. Ça se passe à Giroussens, c'est dans le Tarn. Voilà, c'est pas très loin. Si vous avez envie de vous promener cet après-midi et de finir la journée là-bas, ça peut être une bonne idée. Ensuite, demain, le 11, donc c'est dans le cadre de la fête du quartier Saint-Cyprien, il y a une performance du musicien et performeur japonais qui s'appelle Aki Honda. Donc, c'est un immense musicien, plasticien, il vient du Japon. Il est arrivé hier soir, malheureusement, je voulais l'interviewer ce matin, mais il est arrivé à Toulouse hier soir, il repart lundi. Et il viendra clôturer l'événement du quartier sonore demain. Donc, c'est à 17h, ça se passe à la salle Sans Subra. Et c'est lors de la fête du quartier Saint-Cyprien à Toulouse, c'est entrée gratuite. Et l'horaire, je ne sais plus, je crois que c'est... Ah voilà, c'est à 17h. Ensuite, donc ce sera la semaine prochaine, le 19 juin, il y a un concert qui se passe à l'IPN, c'est rue des Jumeaux, au 30 à Toulouse, donc c'est tout près de la radio éphémère, le long du canal, c'est pas très loin de la gare. Et ça s'appelle Concert le Cercle des Malissimalistes et Nibule. Donc voilà, pour plus d'infos, il faut aller voir sur Facebook les groupes dites Nibule et Malissimaliste. Désolé pour la prononciation. Donc ça se passe le 19 juin, c'est à l'IPN. Donc c'est un lieu à ne pas manquer, l'IPN. Le 23 juin, il y a un concert avec Louis Minus 16, avec Sec, avec Leyer, Desch Metal, et c'est à la Manita Muscaria. Donc c'est... Voilà, c'est organisé par le Archer dans le Yucca à la Manita Muscaria le 23 juin. Le 24, bon, il y a une fête de voisinage avec plein de concerts. C'est un jardin secret, c'est organisé par Lucie. Il faut l'appeler. Il faut aller voir sur le site internet des sonophages et vous trouverez tout ce qu'il faut. Il y a un numéro de téléphone. Bon, il y aura des solos d'impro avec Andy Lévesque, il y aura l'orchestre débranché, il y aura Balloni Trio d'improvisation, etc., etc. Anticyclone Trio également. Voilà, ce sera le 24 juin dans un jardin secret à voir sur le site des Sonophages. Le 25 juin, il y a un concert de dimanche après-midi tout mignon, à l'IPN toujours, rue des Jumeaux. Donc il y a 3 ou 4 parties, donc avec du vocal, avec de l'impro, avec des duos de violon. Voilà, c'est à l'IPN, toujours rue des Jumeaux, pas très loin de la gare et du canal du Midi, le 25 juin. Voilà, il nous reste une minute, simplement pour vous souhaiter de passer une bonne quinzaine. On se retrouve le 24 juin. Ce sera une émission spéciale avec Jean-Pierre Leirac. On parlera du programme de Jazz à Luz. Donc Jean-Pierre est arrivé avec un nouveau programme qui est diffusé déjà. Vous trouvez les flyers et les programmes en ville dans les lieux que vous connaissez. Et on vous amènera du son et on parlera des groupes qui passeront à Jazz à Luz. Donc c'est en juillet. Et donc l'émission aura lieu le 24 juin, donc dans 15 jours à 10h comme d'habitude. Et je vous souhaite de passer une bonne quinzaine. À très bientôt, portez-vous bien.